franceinter.fr. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui UVA 88, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Alkevad, réalisée par Pascal Deux. Aujourd'hui dans Affaire sensible, la fiction, nous allons donc vous raconter l'assaut de la grotte d'UVA le 5 mai 1988. La semaine prochaine, nous vous raconterons la suite, les accords de Matignon. Quelques mois plus tard, en effet, le 26 juin 1988, Michel Rocard, nommé Premier ministre après la victoire de François Mitterrand, réussira à faire signer un accord de paix entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, les représentants des deux communautés qui se combattaient. Mais revenons quelques mois plus tôt, le 5 mai 1988, à trois jours du second tour de la présidentielle qui se joue entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Un assaut appelé Opération Victor est mené par des commandos de l'armée contre des indépendantistes canaques et leurs otages dans la grotte d'UVA. L'opération fait 19 morts parmi les canaques et 2 chez les militaires. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Eh bien parce que le 22 avril 1988, quelques jours avant, des indépendantistes canaques attaquent la gendarmerie de l'île d'UVA, tuent 4 gendarmes et se replient dans une grotte avec 19 otages. Une affaire extrêmement sensible à l'époque et qui le reste aujourd'hui encore. Par nature, car il s'agit d'un coup de force de la métropole en territoire d'outre-mer, avec des relents coloniaux qui créent forcément le malaise. Et puis aussi, parce que l'événement est intervenu entre les deux tours de la présidentielle, là où toute la vie politique française se joue. Et enfin, parce que cette opération s'est soldée par la mort de 19 preneurs d'otages, des canaques et de 2 militaires. Un acte de guerre, mais surtout de gros doutes sur le mode opératoire des forces de l'ordre qui ont mené l'assaut. Ont-elles, comme le prétendent des membres du FLNKS, la branche politique des canaques, laissé mourir volontairement ou exécuté sommairement certains preneurs d'otages après l'assaut ? Le gouvernement de Jacques Chirac a-t-il agi seul pour montrer sa fermeté, sa capacité à régler une crise grave à 5 jours de second tour de la présidentielle ? François Mitterrand a-t-il été informé ? Considérée comme une colonie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie gagne le statut de territoire. Les Canaques obtiennent alors la citoyenneté française. En 1975, la fondation d'un comité de coordination pour l'indépendance canaque cristallise la revendication des populations locales. En réaction, 2 ans plus tard, le caldoche Jacques Lafleur crée le RPC, Rassemblement pour une Calédonie. Le territoire semble alors coupé en deux, avec d'un côté les Kanaks, les Mélanésiens, descendants des populations indigènes de la Nouvelle-Calédonie, et de l'autre les caldoches, les colons, les blancs. Jamais ils n'ont vécu dans l'Union. Les ingrédients de l'explosion étaient donc réunis depuis longtemps. L'assaut sur la grotte d'UVA en restera le terrible symbole. Après la fiction, nous retrouverons Jean-François Merle, qui était conseiller technique chargé de l'outre-mer à Matignon de 1988 à 1991 auprès de Michel Rocard. Autant dire qu'il était au cœur de l'événement. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. UVA 88, de Philippe Alkemad. Réalisation, Pascal Deux. Nouvelle-Calédonie, 200 000 habitants dont 88 000 Kanaks, à 22 000 km de Paris. Vendredi 22 avril 1988, aux premières heures de l'aube. En cette fin de première cohabitation, nous sommes à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle qui va voir s'affronter un président de la République, François Mitterrand, à son premier ministre, Jacques Chirac. Nous sommes également à 2 jours des élections régionales de Nouvelle-Calédonie qui doivent entériner un nouveau statut pour le territoire calédonien. Statut mis au point par Bernard Ponce, secrétaire d'État RPR des Dom-Tom. Mais ce statut Ponce, par un redécoupage tendancieux et sectaire, désavantage les indépendantistes. Ces derniers vont réagir. Au petit matin du 22 avril, un groupe d'indépendantistes canaques mené par Alphonse Dianou, prétextant vendre quelques poissons et langoustes, se présente à la gendarmerie de Fayaoué. Le gendarme Alberto Adari les accueille. Fayaoué, île d'Ouvéa. Le 22 avril, vers 6h30. Vous êtes tombés du lit, les gars ? Non. Non, pas vraiment. On voudrait te parler à Dari. D'accord. Venez par là. Qu'est-ce que vous nous apportez de beau aujourd'hui ? Des langoustes ? Désolé. Il n'y a pas de poisson. Ni de langoustes. Ah bon ? On n'est pas là pour ça. Oh, oh, oh ! Dis à nous, qu'est-ce que tu fais avec ce coucou ? Ah, Dari, donne ton arme ! Non, mais tu rigoles ? Non, je ne plaisante pas. On veut vos armes. Tu es devenu fou ? Tu te rends compte de ce que tu fais ? Ne m'oblige pas à faire un truc que je vais regretter. C'est bon, d'accord. Calme-toi. Tiens. Mais tu fais une sacrée connerie. Allez, je veux bien fermer les yeux sur ce qui vient de se passer. Bon sang, Dianou, ne fais pas le con. Y a plus de Dianou qui compte. Wamo, reste là. Je vais voir ce qui se passe dehors. Toi, Samuel Wamo, je te connais. T'es un bon gars, je le sais. Dis-lui que c'est une connerie ce que vous faites. On vous fera pas de mal. On veut juste vous garder jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle. On est des pacifistes. Mais il faut qu'ils nous entendent là-bas à Paris. Ils peuvent pas décider sans qu'on ait notre mot à dire. Ça s'appelle une prise d'otage, ce que vous faites là maintenant, les gars. Vous pouvez prendre pour plus de 20 ans de prison. Arrêtez de déconner. On en a marre de parler au mur. C'est la seule façon qu'on a trouvée pour être entendu. Qu'est-ce que vous foutez ? Arrêtez ! 2,97, 2,97, nous sommes occupés. Je répète, 2,97, 2,97, nous sommes occupés, terminé. Toi, lâche cette radio, je tire ! C'est bon, on se calme, d'accord ? Regarde, j'ai plus rien dans les mains. Cette action qui se voulait non violente finit par dégénérer. Un gendarme fraîchement arrivé de métropole a refusé de donner son arme et a fait feu, déclenchant une riposte. Georges Moulier, Edmond Dujardin, Daniel Leroy, Jean Zawadzki, en tout 4 gendarmes y laisseront la vie, tous tués par arme à feu. Mais à Paris, à des fins politiciennes, la désinformation va entrer en action. Jacques Chirac et Bernard Ponce sont amis de longue date et très complémentaires dans leur façon de travailler. Ils décident de prendre le dossier en main, voyant sans doute là une opportunité de montrer leur fermeté face à une gauche et à un Mitterrand qu'ils qualifient de plus en plus souvent de laxistes. Dans les médias, ils commencent à parler d'opérations terroristes, exécutées avec maîtrise et brutalité par des individus entraînés. Ils parlent de gendarmes tués à coups de hache et de sabre d'abattis, évoque des actes de sauvagerie et de barbarie commis sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Ils laissent entendre que certains corps ont été découpés à la machette. Pourtant, la vérité est bien loin de ces descriptions. À la morgue, sur le corps des gendarmes tués, il y a un résumé clinique de toutes les blessures qui ont causé leur mort. À aucun moment, il n'est fait mention de blessures mortelles par arme blanche. De son côté, Alphonse Dianou contacte Jean-Marie Tchibaou, le leader du FLNKS, le mouvement indépendantiste socialiste kanak. Gendarmerie de Fayaoué, le même jour, vers les 10 heures. Allô ? Jean-Marie ? Mais qu'est-ce que vous avez foutu, Alphonse ? Des gars ont déconné. Il était question d'action non violente, et vous vous retrouvez avec 4 morts. Un gendarme a sorti son arme et les hommes ont paniqué. C'était pas prévu. Tu sais bien, toi, comment ça peut tourner, ces histoires-là ? Non, non, non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous suivre sur ce coup-là, les gars. J'ai parlé avec Waouzou. Tout ce qu'on peut faire, c'est passer un communiqué. Pas plus. Quel genre de communiqué ? Du style retrait des troupes coloniales d'occupation. Même si ça, à mon avis, c'est fichu d'avance. Par contre, on va insister sur l'annulation des élections régionales et la nomination d'un médiateur. Là, on a une chance de se sortir de ce merdier. Et pendant ce temps-là ? Pendant ce temps, cachez-vous. C'est tout ce que je peux te dire. Mais attends ! Mais je suis désolé. Mais je dois raccrocher. Attends, attends. Waouzou, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, laisse tomber, Waouzou. C'est quand même lui qui a monté l'opération. Il peut pas nous lâcher comme ça au milieu du guet. Il doit prendre ses responsabilités, non ? Je ne sais pas pour Waouzou. On se rappelle plus tard. Attends. Allô ? Allô ? Qui c'était ? Tchibaou. On est dans la merde, Wamou. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai essayé de parler avec lui. Je pensais qu'il nous arrangerait le coup. Mais il ne veut rien entendre. De toute évidence, la direction du FLNKS ne nous suit plus. Pourquoi ? À cause des morts. Donc, pour l'instant, on est un peu seul. C'est pas possible. C'est pas possible, rappelle-le. Non, c'était pas la peine. Je te dis de le rappeler ou je le fais moi ? Ta gueule ! C'est moi qui commande. Et je te dis qu'on peut pas rester ici. Il faut qu'on bouge. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont dit en vrai? Il est où, Aouzou? Je sais pas où il est. Ils ont dit qu'on devait se cacher. C'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Voilà ce qu'on va faire. On va partager les otages en deux groupes. Capoeira ira avec un groupe au sud de l'île et nous, on ira vers le nord. Et dit aux gars de prendre des armes dans l'armurerie. C'est ça le plan? Attendre? Attendre, mais attendre quoi? Et pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On attend. On attend quoi? On attend le second tour des présidentielles. Et puis on libérera les gendarmes. C'est notre meilleure chance. D'ici là, faut qu'on se cache. Allez, on part d'ici. On part. Allez les gars, on part. On part. On lève le camp, on part. Allez, avance. Avance. Le premier groupe d'otages, composé de 11 gendarmes et mené par Chanel Capoeira, se rend dans le sud de l'île, à Mouli. Ils seront libérés sains et saufs le 27 avril. Quant au second groupe, composé de 16 otages et conduit par Alphonse Dianou, un ancien séminariste s'occupant des jeunes du FLNKS, il fait route vers la tribu de Gossana, située dans le nord de l'île. Dans les heures qui suivent, Chirac demande que l'on réquisitionne l'armée et que l'on écarte la gendarmerie. Pourtant, nous sommes sur le sol français, et en tout état de cause, il s'agit d'une affaire de police judiciaire. Mais nous sommes surtout à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. 700 militaires, commandés par le général Vidal, rejoints par une équipe de 48 gendarmes du GIGN, débarquent à Ouvéa. La presse y est interdite, le blocus de l'île est total, et l'armée va pouvoir travailler en toute tranquillité. Le ministre Bernard Ponce suit de près les opérations sur le terrain. Tribu de Gossana, QG de campagne, samedi 23 avril, deuxième jour de la prise d'otage. Ah, mes respects, monsieur le ministre. Et bienvenue à Gossana. Mon général. Vous avez fait bon voyage? On est un peu secoué dans l'hélicoptère, mais enfin, ça va. Alors, où en est-on de la situation? On tente de repérer les otages. Bien que les villageois ne nous facilitent pas la tâche, ils refusent de parler. Allons bon. Mais je ne désespère pas d'avoir des résultats très vite. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont dans les environs. En arrivant, j'ai remarqué des jeunes attachés à des piquets. Oui, certains savent où ils sont cachés, je peux vous l'assurer. Ceux de Saint-Joseph ont vu passer les otages, donc aussi les ont vus passer. Ils ne veulent pas parler. Pour l'instant. Faites ce qu'il faut pour avoir des résultats au plus vite. Je veux savoir où ils se cachent. Bien entendu. Bon, alors et ensuite, comment comptez-vous faire? Je veux dire, une fois que vous les aurez repérés. Je vais vous montrer. L'opération Victor, comme nous l'appellerons, regroupe 700 militaires et 46 gendarmes du GIGN. Nous avons également à disposition un lance-flammes, un hélicoptère équipé d'un canon de 20 mm, des pumas, des alouettes. Et on m'a parlé de bombes laser capables de frapper avec une grande précision. On peut envisager ça aussi? Toutes les options sont sur la table. Très bien. Tenez, regardez, je vais vous expliquer en détail comment nous comptons agir. Donc nous nous trouvons actuellement ici, toute cette région-là. Quelque part dans la forêt, à 3 km de la tribu de Gossana, mardi 26 avril, vers 16h. Yannou, mes hommes sont fatigués. Ils ont besoin d'un peu de repos. On n'en a plus pour très longtemps. Une halte, une petite demi-heure, le temps de souffler un peu. Ok. Ok, on fait un quart d'heure de pause, mais pas plus. Merci. Donne-moi une cigarette, toi, moi. Tu sais où on va? On peut pas tenir bien longtemps comme ça. Ça fait 4 jours qu'on bouge d'un endroit à l'autre. Je connais une grotte. Une grotte sacrée, une demi-heure d'ici. On y sera en sécurité. T'es sûr? Je connais l'endroit. La cache idéale. On pourra surveiller les otages sans aucun risque. Une fois là-bas, j'enverrai quelqu'un nous chercher de la nourriture. Et on essaiera de savoir où en est la situation. On te fait confiance, Dianou. Nous déçois pas. T'en fais pas. Ça se passera bien. Allez, on se remet en route. On repart. Debout, les gars. Allez, on y retourne. Le lendemain, un groupe de gendarmes du GIGN, mené par le capitaine Le Gorgu, repère la grotte sacrée. Jean Bianconi, substitut de la République, se faisant fort de négocier directement avec les preneurs d'otages, part devant. Mais son initiative tourne court. Le magistrat, le capitaine Le Gorgu, ainsi que les six gendarmes, sont à leur tour faits prisonniers. Grotte sacrée de Gossana, matinée du 27 avril. Écoutez, Dianou, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire. Vous avez un magistrat, six de mes hommes et moi en otage. On ne peut pas vous donner une meilleure garantie de notre bonne foi pour négocier. Je le reconnais. Dites-moi ce que vous voulez en échange de la libération de tout le monde. Et je vous donne ma parole, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour satisfaire vos revendications. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on veut l'indépendance de la Kanaky libre et socialiste? Ça, vous pouvez nous l'offrir. Soyez raisonnable, Dianou. Je souhaite parler à Djibaou ou Waouzou. Je veux qu'ils viennent ici, nous dire en face ce qu'on doit faire. Djibaou et Waouzou vous ont lâché. Ils disent que vous êtes assez grand pour assumer vous-même vos problèmes. Ouais, ils disent ça. Oui, oui, ils veulent pas endosser la responsabilité de la mort des quatre gendarmes. Les salauds. Et si vous relâchiez tout le monde? Hein, tout de suite. On limiterait les dégâts. On pourrait même s'arranger pour que vous ayez un procès équitable en métropole. Équitable? Rappelez-vous l'an dernier. Les sept colons qui avaient assassiné 10 des nôtres ont tous été acquittés par un jury exclusivement fait d'hommes blancs. Alors votre justice équitable, on sait ce qu'elle vaut. Peut-être, mais là, les choses sont différentes. Ce n'est pas possible. On n'y croit plus à votre justice. Mais enfin... Taisez-vous. Taisez-vous et laissez-moi. J'ai besoin de réfléchir. Essayez d'être raisonnable. Je vous ai dit de me laisser ou j'abandonne vos hommes. D'accord, d'accord. Calmez-vous, d'accord, d'accord. Alors? Alors on est seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Le FLNKS est aux abonnés absents. Je sais plus quoi faire. C'est pas nouveau. T'aurais dû t'en douter après la conversation que t'as eue avec Djibaou. Quelle merde! Fais venir la presse. Au moins on aura une tribune et on pourra s'expliquer. Je sais pas. On mettra chacun devant ses responsabilités. On fait venir une équipe de télévision, Antenne 2. C'est une bonne idée, non? Moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte vivant de cette situation, tu comprends? Raison de plus! Oui. Qu'est-ce qui va pas? Rien. De toute façon, après le deuxième tour, on relâchera tout le monde et on ira voir ceux qui nous ont trahis, on s'expliquera avec eux. Ça, je te le promets. Appelle Le Gorgu. D'accord. Le Gorgu! Le Gorgu, viens! Vous avez réfléchi? Oui. Nous n'avons qu'une requête. On veut qu'une équipe de télévision vienne nous voir pour qu'on puisse s'expliquer. Pensez-vous que ce soit possible? Oui, c'est dans le domaine du réalisable. Je vais m'arranger. Je connais des journalistes à Antenne 2. Dans ce cas, vous partirez demain matin. Mais j'ai besoin que vous relâchiez un ou deux gendarmes, histoire que vous montriez de la bonne volonté. C'est hors de question! Vous y allez seul. Comme vous voudrez. Tribu de Gossana, QG de campagne, lundi 2 mai, en fin de matinée. Poursuivez, Le Gorgu. Je pense que si nous accédons à leur demande, on peut gagner du temps et faire baisser la pression. Et puis qui sait, trouver là une porte de sortie en évitant un bain de sang. Ce ne sont pas des mauvais bougres. Ils sont seuls, ils se sentent lâchés par la direction du FLNKS. Si on leur offre une tribune en invitant une équipe d'Antenne 2, ils diront ce qu'ils ont à dire et finiront par relâcher les otages. Ils ont quand même assassiné 4 gendarmes. Ce ne sont pas des tendres. Je sais, mon général, mais je ne les ai pas sentis menaçants. Ils sont dépassés par les événements, c'est tout. Je ne pense pas qu'ils voulaient en arriver là. L'idée n'est pas mauvaise. Je vais en parler au Premier ministre et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Merci, capitaine. Très bien. Monsieur le ministre, mon général. Qu'en pensez-vous? Mon général, la chose est entendue. Il n'y aura pas de presse et encore moins de négociations. Ah bon? Oui, c'est comme ça. L'honneur de la France et de l'armée française est en jeu. Très bien. Combien estimez-vous les pertes? Je dirais que dans le meilleur des cas, il y aurait 1 à 2 tués et 6 à 8 blessés. Et dans le pire des cas, une dizaine de tués et une vingtaine de blessés. Ah bon ? Je ne parle que des militaires et des otages, naturellement. Je l'avais compris, mon général. Et pour le reste... Quel reste ? De son côté, François Mitterrand, le président de la République, est tenu au courant de l'évolution de la situation par le commandant Proutot, qui est en relation étroite avec Le Gorju. Finalement, après avoir un peu tergiversé, il propose à son premier ministre Jacques Chirac de créer une mission de conciliation. Mais celui-ci refuse catégoriquement. Il est dans une logique guerrière. Et Mitterrand voit là l'opportunité de faire endosser à Chirac la responsabilité du désastre à venir. Le 3 mai, à 13h, heure de Paris, il signe l'ordre de l'assaut en insistant sur le fait d'épargner le plus de vies possible parmi les ravisseurs. L'opération Victor doit donc débuter le lendemain, au matin. Tribu de Gossana, QG de campagne. Mardi 3 mai, vers 16h30. C'est pour demain matin, monsieur le ministre. Nous avons une fenêtre météo idéale. On annonce de la pluie et du vent, ils ne nous entendront pas approcher. Il y aura deux assauts consécutifs. Navré, mon général, mais le premier ministre est formel. L'opération ne peut avoir lieu demain. Elle se fera après-demain. Compte tenu de l'effet de surprise qui est indispensable dans ce genre d'opération, on prend de plus gros risques en pertes humaines. J'insiste pour que cela se fasse demain. Je sais, mais... Sauf le respect que je vous dois, je n'aime pas les mais. Dites-moi ce qu'il en est exactement. Je ne peux pas envoyer mes hommes au casse-pipe sans une bonne raison, vous comprenez ? Oui. Alors ? Que cela reste entre nous. Évidemment. Demain, les otages du Liban seront libérés. Kaufmann, Carton et Fontaine ? Oui, d'une façon un peu cynique, je dirais que, médiatiquement, les otages du Liban ont plus de valeur que les gendarmes d'Ouvéa. Vous me comprenez ? Ne me dites pas que c'est la seule raison. Écoutez, mon général, l'ordre de Matignon est formel. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette raison. C'est entendu, monsieur le ministre, c'est entendu. Mais vous comprendrez que dans ces conditions, je dis à mes hommes de ne prendre aucun gant avec les ravisseurs. Mon seul souci, c'est d'épargner mes hommes. Et de venger l'honneur de la République, j'insiste. Ne l'oubliez pas, mon général. Je ne l'oublie pas, monsieur le ministre. Faites ce qui doit être fait. Et peu importe la manière. Grotte sacrée de Gossana, le 5 mai, au matin. J'ai encore des pics. Et moi, il me reste la toux. Je croyais que t'avais plus de cœur. Et encore du café. Tiens. Toi aussi, tu en veux ? Oui. Merci. Ah, tu as du pic. Eh bien, en voilà encore. Chut. Mais tu... Chut. Qu'est-ce que c'est ? Un hélicoptère. C'est Antenne 2 ? Tu crois ? Ils nous ont entendus. Non, c'est pas Antenne 2, il y a des Pumas. C'est l'armée. Ils nous tirent dessus. C'est pas possible. Va chercher les otages, moi. Non. Ils nous servent en tout coup, les vents. Les vents. Le premier assaut durera une heure. Pour déloger les ravisseurs, plusieurs milliers de cartouches seront tirées. Un lance-flamme entrera en action. Adari ! Aide-moi ! T'es blessé, Ouamo ? Oui. J'ai pris une balle dans le mou, là. Fais voir. C'est pas bien grave, tu t'en sortiras. Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça ? Allez, lève-toi ! Allez, tiens, soigné. Ne bougez pas. Je suis otage. Je suis otage. Ok. Et lui ? C'est Ouamo, un des leurs. Mais il est blessé. Il a besoin de soins. Ok. Laisse-le là. Laisse-le là, je t'ai dit. On va s'en occuper. Toi, va par là. D'accord. Le corps de Samuel Ouamo sera retrouvé criblé de balles. Après près de 5 heures d'une attente interminable, le second assaut sera lancé. Très vite, les otages seront libérés sains et saufs, mis à part un gendarme légèrement blessé par un tir ami. Toi, viens là. Qui? Moi? Oui, toi. C'est toi, Dianou? Oui, c'est moi. Allonge-toi ici. Allonge-toi! C'est ça, les mains sur la tête. Tends la jambe. J'ai dit la jambe! À la fin des assauts, deux militaires engagés dans l'opération seront tués, ainsi que 19 indépendantistes. Sur ces 19 indépendantistes morts, 12 d'entre eux portent des blessures invalidantes, voire mortelles, et une balle dans la tête. Venceslas Lavellois sera retrouvé mort d'une balle dans la tête, alors que plusieurs témoignages confirment qu'il était encore vivant à la fin du dernier assaut. Alphonse Dianou, chef du commando, blessé d'une balle au genou, sera laissé plusieurs heures sans soins et décédera finalement après avoir été passé à tabac. Patrick Amosa Waina, un porteur de thé de 18 ans seulement, qui ne faisait pas partie des preneurs d'otages, sera retrouvé mort d'une balle dans la tête alors qu'il était vivant à la fin de l'assaut. Il en va de même pour Martin Ewe et Samuel Wamo. Suite à ces morts suspectes, le procureur de la République Jean-Pierre Belloli a ouvert une information judiciaire pour non-assistance à personne en danger et homicide volontaire. C'était Ouvéa 88 de Philippe Alquemade avec Alphonse Dianou, Mathieu Rochevarger, le gendarme Adari, Yvon Martin, Samuel Wameau, Daniel Lobé, le capitaine Legorju, Fabrice Pierre, Jean-Marie Chibaou, Augustin Ruabura, le militaire Norbert Ferrer, Bernard Ponce, Grégoire Ostermann, le général Vidal, Éric Arson-Macarel. Narration, Jean-Claude Dauphin, Christine Braconnier. Et les voix de Farid Bouznad, Vincent Bramoulet, Lionel Mur, Léo Reynaud. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Lidouine Caron. Bruitage, Patrick Martinache. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Pascal Deux. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Thank you. emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs. Le poids de la négociation, le choc de la force. En l'espace de quelques heures, 26 otages français ont été libérés au Liban et en Nouvelle-Calédonie. Alors que Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kaufmann, relâchés hier à Beyrouth, sont actuellement en Corse, prêts à décoller pour Paris. Sur l'île d'Ouvéa, cette nuit, les forces de l'ordre ont donné l'assaut au camp retranché des indépendantistes qui retenaient 22 gendarmes et un magistrat. Le ministre Bernard Pons, qui se trouvait sur place, indiquait que les 23 otages étaient sains et saufs. De violents affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux commandants d'indépendantistes. Le chef des ravisseurs, Alphonse Dianou, et deux ou trois autres Mélanésiens auraient été tués. Trois gendarmes sont blessés, dont un grièvement touché à la tête. Ils ont été transportés en hélicoptère vers l'hôpital de Nouméa. La réaction de Jean-Marie Djibaou, le président du FLNKS, joint par téléphone par Nicolas Poincaré. Monsieur Pons traite le problème de la façon la plus coloniale possible. Et puis aussi, c'est surtout dans le contexte électoral. On a su ici ce matin que les otages du Liban ont été libérés et en conséquence, il ne veut pas en rester là. Je pense que c'est la façon dont M. Pons et le gouvernement Chirac veulent régler le problème de décolonisation de la Calédonie. C'est leur façon à eux de voir les choses. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont tué les Kanaks à Ouvéa que le problème de la revendication d'indépendance sera mort pour les élections de dimanche prochain. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Ouvéa 88, notre invité Jean-François Merle, conseiller de Michel Rocard à l'époque, conseiller pour l'Outre-mer. Bonjour Jean-François Merle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, conseiller technique chargé de l'Outre-mer à Matignon de 1988 à 1991, précisément quand Michel Rocard, donc vous avez été un proche collaborateur depuis 1978, était Premier ministre. Et donc à ce titre, vous avez participé à la négociation des accords de Matignon, puis vous avez supervisé leur mise en œuvre. Et depuis, vous n'avez pas cessé de suivre l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et des autres territoires d'outre-mer dans les différentes responsabilités que vous avez exercées. En juillet 2014, vous avez été chargé par Manuel Valls, Premier ministre, enfin à l'époque, d'animer avec Alain Krisnart, artisan de l'accord de Nouméa de 1998, une mission d'écoute et de conseil sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de préparer la consultation d'autodétermination du territoire qui doit intervenir au plus tard en 2018. Voilà, alors, précisément, où en est la situation en Nouvelle-Calédonie en ce début d'année 1988, hein, l'année du drame? Comment ça se passe entre les communautés, les indépendantistes Kanak, les Caldoches, entre les îles et Nouméa, la capitale? Bref, quelle est la situation de cette île à ce moment-là? Si l'on veut en effet comprendre les origines profondes de ce drame d'Ouvéa qui a commencé par une prise d'otage. Une prise d'otage et la mort de quatre gendarmes à la brigade de Fayaoué. Bon, voilà. Expliquer, comprendre, ce n'est pas excuser. C'est chercher à connaître les vraies raisons. C'est que depuis plusieurs années, et en tout cas depuis 1986, le gouvernement de Jacques Chirac avait, par différentes tentatives, essayé de renier les pouvoirs que le statut précédent qui avait été préparé par Edgar Pisani avait donné aux indépendantistes. Il y avait une forme de partage du pouvoir, puisque dans le statut qui a prévalu entre 1984 et 1986, sur les quatre régions de la Nouvelle-Calédonie à l'époque, les indépendantistes en contrôlaient trois, étaient majoritaires dans trois d'entre elles, et les non-indépendantistes dans la quatrième, autour de Nouméa. Et en 1986, il y a un premier statut qui portait le nom de Bernard Ponce, ministre d'Outre-mer à l'époque, qui revient en grande partie sur l'autonomie donnée à ces régions. Ce n'était pas d'ailleurs la première fois dans l'histoire. La Nouvelle-Calédonie avait choisi de devenir territoire d'outre-mer parce qu'on leur avait promis qu'ils conserveraient l'autonomie interne qu'ils avaient acquis par le statut de fer, la loi cadre de fer de 1956. Ça veut dire, pardon de raccourcir un peu les événements, mais de ce que je comprends, la droite au pouvoir pendant la cohabitation, hein, de 86 à 88, jette de l'huile sur le feu, finalement. Alors, jette de l'huile sur le feu. Ils appliquent une politique qui est celle de leur partisans locaux, de Jacques Lafleur, du RPCR. Il faut dire qu'on était rentré depuis 1984, dans une période d'affrontement un peu violent. Il y avait déjà eu un certain nombre de prises d'otages avant celle de la gendarmerie de Fayaoué. Le climat était tendu. Il y avait eu des assassinats. Il y avait un jeune qui s'appelle Yves Tual qui avait été assassiné en janvier 85. Les frères de Jean-Marie Tjibaou eux-mêmes avaient été assassinés. C'est pour ça que je parle de jeter de l'huile sur le feu, puisque la situation est déjà tendue en proposant ça. Alors, c'était clair qu'en prenant parti pour un camp contre un autre, on ne favorisait pas la paix sur le territoire. Et alors ça s'est concrétisé, ce raidissement, de deux façons. Le premier, c'est que en septembre 1987, il y a eu un référendum d'autodétermination auquel pratiquement tout le monde a pu voter, alors que dans la logique du droit international, l'autodétermination, ce sont uniquement les populations intéressées par l'avenir du territoire qui doivent pouvoir s'exprimer. Là, tout le monde a pu voter. Le FLNKS a boycotté ce référendum. Il y a eu plus de 40% d'abstention, ce qui dévalorise un petit peu la majorité de oui, qu'il y a eu. Bien sûr. Et puis, le deuxième élément de cristallisation, ça a été le fait de vouloir mettre les élections découlant du deuxième statut Ponce qui avait été voté en janvier 88, le même jour que le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle. Bien sûr. C'était pour un peu forcer les Kanaks à aller voter, parce que le gouvernement de Jacques Chirac se disait qu'ils iraient voter l'élection présidentielle. Ça pouvait pousser certains à aller voter aussi pour les élections locales. Et ce statut n'avait pas été négocié, il n'avait pas été discuté, il n'en voulait pas, et le FLNKS avait appelé au boycott. Donc, on en arrive au drame d'Ouvéa. On rappelle, on est en pleine élection présidentielle, entre les deux tours. Enfin, ça a commencé un peu avant le premier tour. Mais le drame de la grotte intervient. Entre deux tours, absolument. Le 4 mai. Oui. Bien. Et là, on se dit, forcément, tous les Français, alors les Calédoniens encore plus, mais se disent, est-ce qu'il n'y a pas une manœuvre de Jacques Chirac pour montrer, voilà, que s'il est président de la République, c'est un homme qui sait prendre des décisions fermes. Et la grave question qui en découle, c'est, mais on aurait pu éviter cette tuerie. Alors là, c'est la question la plus sensible, hein, c'est clair, et je vous la pose. Il y a deux choses qui sont tout à fait hors du commun dans la manière de résoudre cette affaire. La première, c'est que c'était la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'on engageait l'armée dans une opération de maintien de l'ordre intérieur. Oui. C'est-à-dire qu'on a considéré ce jour-là la Nouvelle-Calédonie comme un territoire extérieur à la République. Donc ça, c'est quand même un élément majeur. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu toute une série de tentatives pour laisser à la gendarmerie dont c'est habituellement le travail dans ce type de crise. Et de, le GIGN sait résoudre des situations de prise d'otages. On a laissé à la gendarmerie le soin de régler cette affaire. D'ailleurs, lorsque les gendarmes ont été attaqués à la brigade de Fayaoué, il y avait à la fois les gendarmes territoriaux, ceux qui étaient dans la brigade, et puis il y avait des gendarmes mobiles qui cantonnaient à côté, parce que la politique de M. Ponce, à l'époque, c'était, il avait appelé ça nomadisation, comme on disait en Algérie au moment des, dans les années 60. Et donc, il y avait des gendarmes mobiles qui cantonnaient partout à côté des gendarmes territoriaux. Un certain nombre ont été emmenés en otage. Certains dans le nord, vers Gossana, là, vers Ouvéa, et d'autres dans le sud. Et ceux qui ont été emmenés dans le sud, ils ont été libérés au bout de quelques jours par des négociations menées par le lieutenant-colonel Benson. Et ça, personne n'en parle plus, si vous voulez. Donc, quand on a cherché la voie de la négociation avec ceux qui avaient été pris en otage dans le sud, avec les ravisseurs d'otages qui étaient dans la région de Mouly, qui est dans le sud de l'île d'Ouvéa, ils ont été libérés, sans dommage. Il est aujourd'hui établi, me semble-t-il, que on a privilégié à un moment la voie du règlement par la force à celle de la négociation, même si la négociation supposait la durée. Absolument. Mais ça, est-ce que c'est lié, à votre avis, au contexte politique national, auquel cas il y avait une forme de cynisme, hein ? Et François Mitterrand, que sait-il ? Que décide-t-il ? Quel est son comportement ? Alors, une partie de la décision d'engager les forces armées n'a pas pu être prise sans son accord, puisque le président de la République est le chef des armées. Mais en même temps, ce que disent ses collaborateurs de l'époque, c'est que beaucoup d'informations sur l'état réel de la situation leur était pas fourni. Par exemple, quand il y a eu l'assaut de la grotte et le fait qu'il y ait eu 19 victimes parmi les ravisseurs et deux gendarmes tués, le général Fleury, qui était le chef d'état-major du président de la République à l'époque, a mis plusieurs heures à obtenir du gouvernement des informations précises. Il y a des témoignages d'anciens collaborateurs de François Mitterrand. Donc, est-ce qu'il avait tous les éléments pour donner le feu vert ? Est-ce qu'il ne les avait pas ? Vraisemblablement, il y avait une bonne partie d'occultation. En tout cas, il est aussi certain qu'il avait proposé, à un moment, par une lettre au Premier ministre, d'engager une politique de médiation et de conciliation. Et ceci a été refusé par le gouvernement à l'époque. Donc il y avait bien cette rivalité. Il est incontestable que l'échéance du deuxième tour de l'élection présidentielle a pesé sur la volonté de trancher rapidement, fût-ce par la force, cette affaire. Jean-François Merle, on va se retrouver dans 3 minutes et continuer à parler de ce drame qui a marqué la France, hein, dont on se souvient encore évidemment. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. C'est cool. choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. François Maire, je reste pour l'instant hein, sur l'importance de l'élection présidentielle concomitante, donc de cet événement. Comme on le voit dans la fiction, la date de l'assaut est repoussée à cause de la libération des otages du Liban le 4 mai. Jean-Paul Kaufmann, hein, Marcel Carton, Marcel Fontaine. Je ne suis pas certain que ce soit la seule explication d'autres raisons, et notamment on l'a vu dans le film de Mathieu Kassovitz, L'ordre et la morale, avaient été données à l'époque et qui tenaient simplement à la météo qu'il y avait sur Ouvéa. Donc le fait de vouloir le lier forcément à la libération des otages du Liban, il faut faire attention aux reconstructions quand même. Bon. Sur cette affaire, il y a eu énormément de désinformation. Hein. Parce qu'elle était hautement sensible ? Je sais, oui, mais parce qu'il y avait des visions, des approches. Je veux dire, les assaillants de la gendarmerie de Fayaoui ont tué 4 gendarmes. Ça, c'est un fait, c'est pas excusable. Mmh. Mais en même temps, ils ont jamais été, comme ça a été dit, abondamment répété et publié dans cette colonne, découpés à coups de machette, mutilés, etc. Tout ça est totalement faux et ça a été prouvé. Voilà. N'empêche que ça continue, ça a été répété pendant longtemps. Ça continue quelquefois à traîner dans certains documents. Alors, quelle est la responsabilité de Bernard Pons ? Alors, vous me direz, Bernard Pons est ministre, il est sous les ordres d'un Premier ministre qui gouverne la France, hein, on est en cohabitation, donc l'essentiel du pouvoir est dans les mains du Premier ministre. Bernard Pons est quand même un ministre. Alors, qui porte la responsabilité ? Est-ce que Bernard Pons a poussé ? Est-ce que c'est Jacques Chirac qui porte la responsabilité parce qu'il est aux affaires ? Je pense qu'il y a des responsabilités partagées. Je pense que le gouvernement n'avait pas toujours la capacité ou la lucidité de résister aux pressions de ses amis politiques locaux. Oui. Car il y avait énormément de pression à l'époque de Jacques Lafleur, qui voyait se profiler l'élection présidentielle, qui pouvait se dire que des alternances étaient possibles qui ne seraient pas nécessairement favorables et qui voulaient qu'un certain nombre de choses soient faites avant. Dès le mois de mars, Jacques Lafleur demande la dissolution du FLNKS en tant qu'association terroriste. Et Bernard Pons a dit le 25 avril, la dissolution du FNKS est un problème qui se pose. Mmh. Le président de la République a résisté à ça et dit qu'il ne l'inscrirait pas à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Mais c'était ce type d'attitude. Il y avait une négation même de l'existence d'une revendication indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, Djibaou, le chef des indépendantistes, le chef charismatique des Kanaks, disait sur l'assaut de la grotte: Pons a toujours refusé de nous recevoir, il nous a traités avec beaucoup de mépris. C'est une tuerie gratuite et électoraliste pour obtenir les voix de Le Pen. Un massacre organisé par Chirac, Ponce et Lafleur pour gagner les voix de droite. Alors, ça l'engage lui, enfin sa mémoire d'ailleurs, ça ne vous engage pas vous, mais qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ça fait écho ce que vous dites, puisqu'il le dit, hein, Lafleur. Bon, il va encore plus loin en disant obtenir les voix de Le Pen, ça je ne sais pas, mais Lafleur, il en parle. Donc la pression viendrait du local. Il y avait beaucoup de pression dans ce sens-là, ça c'est absolument incontestable. Et si vous voulez, il y avait deux attitudes par rapport à ça. Il y avait ceux qui disaient bon, ok, on les laisse dire ce qu'ils ont à dire, et puis on en prend, on en laisse. Et puis il y a ceux qui en rajoutaient à Paris. Parce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment de dossiers qui, pour essayer de se faire bien voir, en rajoutaient. Et ça, c'était une des difficultés. Si vous voulez, la leçon principale qu'il faut tirer de ça, et qui, je crois, tout le monde a tiré depuis, c'est que le drame de la Nouvelle-Calédonie à cette époque-là, c'est qu'on en a fait une affaire de politique intérieure française. Et ça, ça datait pas de 88. Il y a quand, dans les années, au milieu des années 80, M. Pasqua, paix à son âme, allait sur les tréteaux électoraux dire « la défense de Bastia commence à Nouméa ». Ouais. Et on avait voulu faire de la Nouvelle-Calédonie une espèce de symbole et l'utiliser dans la politique intérieure française. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez, sur ce que disait Djibaou quand il dit c'est une tuerie gratuite et électoraliste pour obtenir les voix de Le Pen. Je rappelle juste qu'entre les deux tours de la présidentielle de 88, Charles Pasqua avait dit « Nous partageons, donc le RPR à l'époque, un certain nombre de valeurs avec le Front National ». Alors c'est peut-être ce qui a inspiré aussi Djibaou dans sa déclaration. Toute dernière question, Jean-François Merle. Pourquoi ne dit-on pas, pourquoi n'assume-t-on pas un fait historique qui est de dire « Oui, il y a eu un massacre dans une grotte à Ouvéa, une décision qui a été prise de tuer des preneurs d'otages ». Pourquoi est-ce qu'on n'assume pas, alors cette histoire qui effectivement est très récente, mais enfin, il serait peut-être temps de l'assumer, non? Je pense que, oui, enfin... Michel Rocard a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, en témoignage pour l'histoire, que les enquêtes de commandement qui avaient été faites, après, à la demande de Jean-Pierre Chevènement, qui était le ministre de la Défense dans le gouvernement de Michel Rocard, avaient montré que, en effet, un certain nombre des preneurs d'otages avaient été... Bon, il y en a qui ont été tués dans l'assaut, parce qu'un assaut, c'est pas... c'est comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui étaient blessés, simplement. Il est probable, possible, que certains ont été achevés, et d'autres, on les a laissés mourir avant qu'ils soient évacués vers l'hôpital de Nouméa. Et ça, ça a été montré. C'est, si vous voulez, une des raisons pour lesquelles... Tout ceci a un peu disparu de la mémoire. C'est qu'un des engagements, on verra à un autre moment, mais dans les accords de Matignon, c'était qu'il y ait une amnistie pour les preneurs d'otages. Oui. Parce qu'il y en avait quand même encore certains qui étaient en vie et qui étaient, notamment ceux du Sud qui avaient relâché les otages pris dans la première vague. Et... La revendication des indépendantistes à l'époque, c'était qu'il y a une amnistie. Cette amnistie, l'armée a su que c'était aussi destiné à protéger un certain nombre des siens. Et donc, effectivement, on a un peu occulté cela. Il n'est pas exclu qu'à un moment, pour l'histoire, pour que la vérité et la mémoire se fassent complètement, les archives soient déclassifiées et que les choses se disent. Bien sûr. Le film de Mathieu Kassovitz rend assez bien compte de cette réalité-là. Jean-François Merle, merci infiniment. On se retrouve vendredi prochain. Toujours d'accord? Bien, on se revoit vendredi prochain. Et puisque vous avez parlé de Michel Rocard, évidemment, là nous plongerons dans les coulisses des accords de Matignon. Merci, à vendredi. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Ouvéa 88, une fiction écrite par Philippe Alquémade, réalisée par Pascal Deux et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon.